Ngueri. Eli Kadoga sur la mise en onde. Bonsoir à tous. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à ce journal à langue française dont voici les principaux titres. Des fruits produits dans la province de Lomongue vont désormais être transformés sur place dans l'intérêt des producteurs. L'annonce a été faite ce samedi par le gouverneur de cette province du sud du Burundi. Et dans la province de Kirundo, les cultivateurs de tournesol dans la commune de Busoni se lamentent qu'ils écoulent leur production à bas prix. Et la tuberculose se fait encore parler d'elle dans la province de Gitega malgré l'effort des agents communautaires de santé dont leur travail est salué par le coordinateur du programme de lutte contre la tuberculose et la lèpre dans la province de Karusi. Un corps d'une femme a été repêché ce samedi dans la rivière Ruvuvu. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais dans les titres, la police et la population de la commune Chombo en province de Karo sont repêchés dans l'après-midi de ce samedi de la rivière Ruvuvu, un corps d'une femme. Le responsable de la police dans cette commune indique que ce corps n'a pas été identifié et le commissaire communal de la police renseigne que le corps présentait de petites blessures et pense que la femme serait tuée, gorgée. Désiré Nimubona indique que le corps a été acheminé au centre de santé d'Orudi de cette même commune en attendant son identification. Toujours dans la page sécurité, deux personnes dont le chef de la famille ont été blessées par deux jets de grenades sur la colline Rugasa de la commune Bugabila. Nous sommes dans la province de Kirundo au cours de la nuit de ce samedi à dimanche. Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité, les victimes ont été évacuées à l'hôpital alors que le présumé auteur de cet attentat, qui serait un certain Wéji François, a pris leur large et des enquêtes restent en cours, a-t-il ajouté. Et de la sécurité à l'agriculture, certains des propriétaires des champs de tournesol en commune de Busoni, nous sommes toujours dans la province de Kirundo, disent vendre leurs produits à bas prix. Des associations de collecte ne sont pas nombreuses, ajoutait-il, d'où l'obligation de travailler avec des acheteurs de petites quantités. Leonidas Livouzimana, directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, appelle ses agriculteurs à acheminer leur production dans des hangars. Le reportage est signé Mireille Kanyang. C'est l'un des propriétaires de champs de tournesol. Nous le rencontrons chez lui, en zone Gisenyi de la commune Busoni, près de la route reliant le chef-lieu de la province Kirundo à celui de la commune Busoni. Autour de la parcelle se trouvent des champs de tournesol ainsi que d'autres plantes. Cette culture vit en symbiose avec d'autres cultures, affirme Leonidas Simbakwira, père de famille. Selon lui, le tournesol va avec le haricot et le maïs. Si l'on a mis du manioc, l'on récolte d'abord le tournesol, le maïs après. Si l'on a planté ce tournesol sans y mettre beaucoup d'autres cultures, l'on parvient à récolter environ 200 à 300 kg. Malgré une telle production, ces agriculteurs manquent d'organisation de collecte de leur production. Le problème que nous avons, c'est d'avoir une usine. Notre commune est grande. Elle peut être implantée à Gatare ou à Rusarasi pourvu que nous ayons le marché d'écoulement de notre tournesol. C'est la commune Busoni qui est la première dans la production du tournesol. Ils demandent que le prix soit revu à la hausse car ils disent vendre de petites quantités à un prix très bas. Au niveau du bureau de la direction provinciale de l'environnement, agriculture et élevage, l'on indique qu'il y a des coopératives de collecte travaillant avec le centre agropastoral de Mutuenzi en commune Kanyinya, dont celui de Nyabigeni. Leonidas Rivuzimana appelle plutôt ses agriculteurs à acheminer leur production dans des hangars pour espérer un prix satisfaisant. Ce que nous faisons, c'est toujours la sensibilisation. Vous voyez qu'ils grognent, qu'ils reçoivent un prix très bas. Nous sensibilisons qu'ils puissent acheminer ce tournesol dans les hangars afin qu'ils attendent le prix un peu satisfaisant 2 mois après la récolte. Alors, dès qu'il récolte, il vend directement. Là, vous entendez que les grossistes, c'est eux qui fixent le prix. Dans ce cas, ils vont donner le prix très bas. Ces propriétaires de champs de tournesol de la commune Boussoni espèrent avoir des unités de transformation afin de contribuer davantage dans les recettes communales. Mireille Kanyanga qui nous disons merci toujours dans la page agriculture. Les fruits qui sont produits dans la province de Lomongue, nous sommes sites du pays, vont être transformés sur place et exportés sous l'étiquette de produits de Lomongue dans l'intérêt du producteur. Juvenal Biguilima, la gouverneure de cette province, l'a annoncé ce samedi lors d'une réunion sur le développement de cette commune et ce serait une usine de transformation dont la capacité de dépasse de loin celle existante. Le point avec Jean-Pierre Misago depuis Lomongue. Selon Juvenal Biguilima, gouverneur de la province de Lomongue, les ressortissants des pays voisins achetaient dans le passé des fruits de Lomongue avant leur maturité et à bas prix à leur profit. Quand c'est la saison des fruits, il y avait des gens qui provenaient des autres pays et qui venaient pour acheter même les fruits étant des fleurs. Et comme ça, même l'enfant n'avait pas même droit de toucher même à aucun fruit. Par ailleurs, le gouverneur de Lomongue dit que ses acheteurs exportaient ensuite ces fruits transformés sous l'étiquette de leur pays et non de la région de production de ces fruits qu'est la province de Lomongue. Pour cela, une usine capable de produire et les jus et les engrais sera bientôt construite à Lomongue et les premiers produits transformés à partir des fruits sortiront avec 2020. Nous avons pris une décision que nous allons faire, en tout cas une usine macro, une grande usine pour que nous puissions transformer des jus de fruits et de l'engrais chimique, des confitures, en tout cas, beaucoup de choses. Le gouverneur de Lomongue appelle aux ressortissants de cette province et même au gouvernement burundais d'y apporter leurs actions. L'usine Mandarena de Minago n'est plus fonctionnelle depuis bientôt près de 3 ans et les producteurs de fruits qui ne vendent plus au Rwanda, leur principal marché d'écoulement, surtout de leurs mandarines, disent actuellement travailler à perte. Jean-Pierre Misago de Lomongue, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago, toujours dans la page agriculture. Les riziculteurs de Kagaragara, la rizière de la réserve naturelle de Rukoko, nous sommes dans la province de Bubanza, sont lamentés du dessèchement de leurs champs rizicoles et jettent le tort sur la société régionale de développement de la plaine de Limbo, SRDI, qui a fermé les canaux d'irrigation malgré la signature des contrats. Le directeur général de la SRDI explique que les canaux d'irrigation ne fonctionnent plus suite aux travaux de réhabilitation du barrage de Rukaramu et que ses résiculteurs en ont été avertis. Isanganiro, la radio de l'avenir. Dans la suite de ce journal, nous nous rendons dans la province de Gitega où les cas de tuberculose sont remarqués toujours et cela malgré l'action des agents communautaires de santé. Tels sont les propos du coordinateur du programme de lutte contre la tuberculose et la lèpre dans la province de Gitega, dans les provinces de Gitega et Moaro. Jean-Claude Wuzohera indique que les agents communautaires de santé contribuent beaucoup dans la sensibilisation et le traitement des tuberculeux. Le point avec Gérard Nibigira depuis Gitega. Le coordonnateur du programme de lutte contre la tuberculose et la lèpre dans les provinces de Gitega et Moaro, Jean-Claude Wuzohera, fait savoir que la tuberculose fait toujours parler d'elle à Gitega. Toutefois, il précise que le travail des agents communautaires de santé est parmi les causes de la réduction des cas de tuberculose à Gitega. Ces derniers conseillent d'aller à une formation sanitaire. Toutes les personnes soupçonnées d'avoir des signes de la tuberculose, indique Jean-Claude Wuzohera. Suite à cette activité des agents communautaires de santé, suite aussi à l'augmentation des centres de dépistage de la tuberculose qui sont au nombre de 14 et suite à la sensibilisation globale, les effectifs des tuberculeux vont en chutant dans la province de Gitega, comme l'informe Jean-Claude Wuzohera. Il donne l'exemple de l'an 2017 où la province de Gitega comptait 726 tuberculeux contre 534 dans l'année dernière 2018. Il demande aux personnes souffrant de la tuberculose de respecter les instructions du médecin dans la prise des médicaments, surtout en consommant les médicaments devant un agent de santé ou un agent communautaire de santé. Aux tuberculeux fumeurs et buveurs d'alcool, il conseille de suspendre la consommation de ces produits durant le traitement. Les tuberculeux contactent eux se réjouissent du traitement gratuit dont ils bénéficient. Jean-Claude Buzohera termine en présentant les signes de la tuberculose. C'est notamment une toux sur plus de 2 semaines, la température du corps élevée, la transpiration nocturne, l'anorexie, l'amaigrissement et l'asthénie. Depuis Gitega, Jérémy Bigila pour la radio Isanganiro. Actualité internationale. Après l'actualité nationale, on parle de l'actualité internationale. Au Venezuela, les défections s'accumulent dans le camp du président Nicolas Maduro. Selon la Radio France Internationale, depuis que Juan Guaido s'est plutôt proclamé président par intérim le 23 janvier, des diplomates vénézuéliens aux États-Unis, mais également des soldats l'ont reconnu dans des messages vidéo diffusés sur de très nombreux réseaux sociaux. Après le message posté ce samedi sur les réseaux sociaux par le général de l'armée de l'air Francisco Yanes, qui reconnaît la légitimité de Juan Guaido pour assumer la présidence du Venezuela. C'est un ambassadeur qui lui a emboîté le pas. Il s'agit de Jonathan Velasco, ambassadeur en Irak. Ce dernier explique au nom de la représentation diplomatique vénézuélienne à Bagdad qu'il ne souhaite plus être complice d'un régime de despote, un régime qu'il qualifie de dictatorial et qui a usurpé le pouvoir, a ajouté cet ambassadeur du Venezuela en Irak. Et au Sénégal, la campagne électorale a démarré ce dimanche 3 février, la première étape du marathon présidentiel jusqu'au 24 février. Les 5 candidats étaient attendus dans l'axe stratégique Dakar-Thiès-Touba. À Touba, la ville sainte, il y avait deux meetings, celui du président sortant Macky Sall et celui de Madike Niang. Tous deux étaient attendus dans la journée. Et pour clore cette édition, nous rendons à Paris où Macron envisagerait un référendum pour répondre à la crise des gilets jaunes. Emmanuel Macron va-t-il organiser un référendum pour sortir de la crise des gilets jaunes? S'interroge le journal appelé Journal du Dimanche. Et c'est ce que croit ce journal. L'hebdomadaire affirme que cette piste est très avancée. Il s'agirait même de proposer un questionnaire avec plusieurs propositions. Ce n'est qu'une piste de travail et elle devient de plus en plus concrète. Selon la RFI, le journal du dimanche cite des sources très proches du président. Emmanuel Macron se serait converti en l'idée d'un référendum le 26 mai. Ça sera un dimanche, jour des élections européennes. Et l'idée serait d'innover en soumettant aux Français un questionnaire à choix multiples. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que des fruits produits dans la province de Lomongue vont désormais être transformés sur place dans l'intérêt des producteurs. L'annonce a été faite ce samedi par le gouverneur de cette province du sud du pays juvénal, Bigui Mana. Et dans la province de Kirundo, les cultivateurs du tournesol de Boussoni, toujours dans la province de Kirundo, se lamentent qu'ils écoulent leur production à bas prix. Et dans la province de Gitega, la tuberculose se fait parler d'elle malgré l'effort des agents communautaires, dont le travail est salué par le coordinateur du programme de lutte contre la tuberculose et la lèpre. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eli Kadogo qui assure la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongere. Une bonne soirée dominicale à tous. Au revoir.